Y a-t-il des moments où deux identités peuvent coexister chez une personne ? Oui, il arrive parfois que deux identités s'octroient le devant de la scène. Ou la lumière, ou la conscience, et cela simultanément. Ouais, je crois qu'on a des choses à se dire. Vas-y, viens, on se pose. Assieds-toi. On va parler. Là, il faut que tu restes attentif. Je connais trop tes côtés sensibles. Tu pourrais changer tout le game si tu suis les règles. T'as l'air sûr de toi ces temps-ci. C'est vrai, t'es beaucoup moins pensif. Tu sais qu'on peut tomber quand on pense qu'on tient les rênes. LSL, je suis sur un coup, je suis pas solo, donc faut que tu me suives. Si je le fais, c'est légendaire. Donc n'écoute pas ce que les gens disent. Les portes s'ouvrent même si c'est chaud. Moi, je pense que je peux rentrer dans le biz. Regarde les meufs, zéro concu. Vu comme moi, toute seule, j'en vois 10. Non, non, ma belle, t'es insouciante. Pose-toi deux secondes et réfléchis. Tu connais pas l'envers du décor, le cœur des artistes très très. Y'en a qui perdent, je nous fléchis. Faut pas qu'on perde sans réfléchir. Si c'est pour finir paranoïaque, moi je préfère même que tu désistes. Mais t'as serré, meuf, ça fait maintenant 2 ans que je prépare le casse du siècle. T'es même pas assis, juste en flop pour qu'il te tège du siège. Je suis le mouton noir, donc j'attends pas qu'on me donne à boire. Je me sers. Tu sais que le succès, c'est pas quelque chose qui tombe. Mais dis même pas ce genre de choses. Est-ce que t'as vu mes sacrifices? Je vais le faire de manière simple, c'est toi qui mets des artifices. Tu les barres comme une arriviste. C'est tes promesses qui nous divisent. Car pour du bif et de la télé, tous tes principes sont partis. Ouah, ton discours me choque vraiment, sache que tu me connais comme ta poche. Crache pas sur l'une des choses qui a rendu fiers nos proches. T'es bien contente d'avoir tous les yeux rivés sur toi quand on sort. N'importe quoi, tu sais très bien que je suis cette meuf timide à la mort. Ouais ouais, timide, je sais pas trop, moi je connais bien ton vrai visage. Tu te souviens dans un freestyle, j'ai dit faut se méfier des visages. Y'a quelques parties de moi que tu connais pas, faut que tu le saches. Mais moi j'ai juste à écouter tes sons pour savoir ce que tu caches. Eh, sache qu'avec tes vices j'écris mes faces. Et puis je sais ce que tu vas dire, donc flemme de terminer ma phrase. Ok, je vais le faire pour toi, mais je sais pas trop, t'as de côté. Y'a plein de gens qui te disent souvent que t'es sous-côté. Ça fait beaucoup d'années qu'on attend que tu sortes un projet. C'est bien pour les freestyles, mais pour passer un cap, faudrait que tu sortes un EP.